Vous n'en souvenez pas parce que vous n'êtes pas conscient. Quand vous en serez conscient, vous le serez. Tu sens si tu as quelque chose et que tu ne fais pas, l'autre va le faire. Ça peut donner n'importe quel coup. Ça, tout le temps. Donc, si quelque chose est censé se faire, il se fait. Ah, automatique. Celui qui capte. Ah, automatique. Vous pouvez être quelque part actif, même matérialisé, vous n'avez même pas. Vous n'avez pas de mémoire? Non. Vous pensez que vous êtes ainsi? Ah, non. C'est ça la conscience. Puis comme c'est plus l'affaire d'attitude, l'ego est plus impliqué là-dedans, automatiquement. Vous ne pouvez pas le savoir. Quand votre ego sera totalement transmuté en esprit, à ce moment-là, vous serez où ce que vous êtes. C'est ça la conscience. Les forts. Vous autres, le maître de l'éther, vous ne le voyez pas. Parce que vous ne comprenez pas son mécanisme. Puis vous nourrissez, puis vous nourrissez, puis vous ne savez même pas où vous nourrissez. Un loup, là, ça va. Vous nourrissez plus. C'est à ce moment-là que vous devenez dur vers l'extérieur. Vous ne nourrissez plus. Pourquoi c'est des forces sataniques qui sont si fortes à la terre. Bon, c'est normal. C'est bon, vous ne saviez pas ce que vous faites, ces autres. Là. Moi, j'en connais quatre ici qui sortent. Puis on se rend compte. Puis ils ne savent même pas. J'ai regardé les yeux, puis ils ne savent pas parler. Il y en a un, la semaine passée, il était à Lima. Il se promenait des rues de Lima. C'est beau bon. Grave. T'as rendu que tu promènes des rues de Lima que tu ne sais pas, Charlie. C'est une bouée du coke. On s'en va tout vers ça. La vie, c'est un mystère. Tant que c'est un mystère. Quand c'est un mystère, je te dis que c'est n'importe qui. Tu peux plus penser après ça. Tu viens fou, tu penses. Celui qui est à Ima, là, si je disais qu'il est à Ima, il croit pas. Tu me disais, je pourrais donner une preuve qu'il est à Ima, puis encore, il croit là-bas. Il peut pas, est-ce qu'il peut, là, cette personne-là, mettons que tu lui disais, là, cette personne-là tout petit, là, hein, qui est à Lima. Ouais, c'est égoïque, mais est-ce que. Tu dois juger là-bas. Non. Ça m'a fait dire ça, là, j'aurais l'ego, là, mon tiens. Est-ce qu'en lui disant, il pourrait avoir quelque chose à l'intérieur de cette personne-là qui pourrait lui dire, il est à là? Ouais. Il pourrait avoir une certaine sensation. Il y aurait un petit flash de mémoire. Un petit flash de mémoire. Ah, ouais, ouais. J'ai fait quelque chose quand il est là. Il y aurait un petit flash de mémoire de ça. Mais on s'en va totalement vers la conscience. Tu sais, j'ai déjà dit, dans un séminaire, je ne sais pas où j'ai dit ça, j'ai déjà dit, soit j'ai totalement raison ou j'ai totalement tort. Soit j'ai totalement raison ou j'ai totalement tort. Soit je suis totalement capoté ou j'ai totalement raison. J'ai dit, rien que par vous autres même que vous pouvez le savoir. Moi, je vous le dirai jamais. Moi, je ne sais pas.

C'est-tu des oranges, ça, ou non, des patentes? Hein? C'est pas une orange. Non, c'est Tangerine. Tangerine? Spirituel que l'homme a pour l'homme doit être totalement éliminé. L'amitié spirituelle que l'homme a pour l'homme doit être totalement éliminée. Passez-vous les sentiments. C'est un orange. Hein. Fais pour l'homme ce que tu as à faire, point. L'eau d'orange. L'eau d'orange. Il n'y a pas de noyau dedans, c'est l'Aden. Elle doit être totalement éliminée, l'amitié spirituelle. On ne peut pas avoir des sentiments, nous autres. C'est ça. Ouais, mais regarde la souffrance que ça demande pour le savoir. Toi, tu te fous, c'est ça qui t'amène à ça. C'est là quand le sentiment t'arrive, tu le refuses. J'en veux pas de ça. T'es fier. Tu n'es plus. T'es vide. Même on est tout à l'heure donné. Non, t'as, tu donnes ce que t'as donné, c'est fier. Hein, pour le soulager. C'est officiel. Hein? C'est officiel. Ouais. Non, ça marche. Mais encore là, t'envoies des groupes. Hein? Parce que quand tu refuses justement ces sentiments-là. Je m'attendais à moitié. Mais on regarde la star, n'en avait pas. Tu me disais. Quand t'es réellement conscient, quand t'es bien fusionné, tu es ce que tu dis. Ah ouais. T'es ce que tu dis. Fait qu'il y a du sentiment dans ce que tu dis, tu es ce que tu dis. Il y en a un peu du sentiment. Automatiquement. À combien de temps, demande, je me dis? Salut, Rita. Il est un livre d'extrait. Il est un livre Il ne voulait pas savoir. Hein? Mon ego a vibré. C'est pour ça que toutes les initiations qui ont été vécues sur la planète Terre, hein, c'était toutes des initiations qui servaient à libérer un certain nombre d'hommes individuellement. Tu avais des sociétés secrètes, tu avais des maîtres qui libéraient un peu l'individu, mais c'était tout au niveau astral. Alors, les initiations, dans le passé, c'était toutes des initiations astrales. Parce qu'il n'y a pas un homme qui va vivre une initiation à travers un homme